Bonjour, ici Benoît Descaries. Skype en version portable sur clé USB. C'est possible. Voyons de quelle façon nous pouvons créer cette version. Dans un premier temps, branchez votre clé USB sur votre PC. Celui-ci apparaîtra comme étant un nouveau disque dur. À l'intérieur de celle-ci, créez un répertoire qui se nomme Skype portable. Donc, appuyez sur le bouton droit, sélectionnez Nouveau répertoire et nommez-le Skype portable. Retournons maintenant sur votre PC. Ouvrez le répertoire où est installé Skype. À l'intérieur de celui-ci, vous retrouverez un répertoire se nommant Phone. Double-cliquez sur Phone. Vous verrez à l'intérieur de Phone un fichier qui se nomme Skype. Nous devons copier ce fichier. Donc, appuyez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez Copier. Retournez sur la clé USB et ouvrez le répertoire que vous avez créé, qui se nomme sans doute Skype portable. Et collez ce que vous venez de copier, donc le fichier de Skype, collez-le à l'intérieur de ce répertoire. Donc, appuyez sur le bouton droit et appuyez sur Coller. Vous verrez apparaître le fichier. Sur votre clé USB, nous devons créer un nouveau répertoire. Celui-ci se nommera Data. Appuyez à nouveau sur le bouton droit et sélectionnez Nouveau dossier. Renommez-le Data. Sur votre ordinateur de table, sur votre PC, ouvrez l'application BlocNotes. Lorsque l'application s'ouvre, écrivez cette phrase. Donc, skype.exe/data-patch:data-removable. Lorsque vous avez terminé cette phrase, enregistrez votre document sous le nom skype.bat. La façon la plus simple est évidemment d'enregistrer ce document sur votre bureau. Donc, sélectionnez « Enregistrer sous » skype.bat sur votre bureau. Retournez maintenant sur votre bureau et tout ce qui vous reste à faire, c'est de glisser-déposer le document skype.bat que vous venez de créer à l'intérieur du répertoire Skype portable. Vous êtes maintenant prêt à faire des appels VoIP grâce à Skype depuis tout ordinateur.